bébé, je vais tout plaquer parce que ça va mal. Les gens c'est tous les mêmes, j'ai pris un maman. T'es ma vie, je pensais à toi quand j'étais là-bas. Aujourd'hui elle se réveille à côté de son papa. Caillou, je me promène. Fais pas confiance, tu connais le proverbe. Joue pas le voyou, te montre pas devant elle. J'ai rien entendu, ils viennent seuls les problèmes. Quand je t'ai dit tiens mon sang, moi j'ai pas compté. J'avais pas de buzz, tu croyais tu me supportais. J'avais pas de tiens mon sang, moi j'ai pas compté. J'avais pas de buzz, tu croyais tu me supportais. J'te fais croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. Sont des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon c'est comme ça. J'te fais croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. Sont des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon c'est comme ça. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. J'ai le cerveau cassé quand je fume la marijuana. Trop de choses sont passées, bientôt je vais mettre les voiles. Je peux pas quitter ma ville, je suis pas bien quand je suis pas là. On m'appelle la machine, ouais gauche comme du bala. Je suis dans l'allée, les wheels pour j'suis carré. J'ai un peu bu à skip, c'est miné au jarret. J'te fais croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. C'est des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon c'est comme ça. J'te fais croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. C'est des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon c'est comme ça. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. J'ai beaucoup de photos, j'ai pas trop d'amis. Ce soir j'suis pété, j'vois Lila. J'ai pas le permis, j'donne pas la nuit. Pour la maman, il faut la villa. J'allais m'en refaire un parfum Armani. Elle voulait mon cœur là, il est là. J'en fais en volant dans ma gare. J'en profite, y'a les embouteillages. Je sors, j'ai la voix cassée, j'fais cracher la tête au magasin. J'ai mis la chemise non cassée, j'fais tomber le flash sur les mocassins. J'te fais croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. C'est des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon, c'est comme ça. Croquer, tu m'as blessé. Dis-moi pourquoi ça. C'est des bâtards, ils m'ont laissé. Mais bon c'est comme ça. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. 7h du matin on danse. Elle empête le flash on danse. On est tous raptants on danse. On est tous les way on danse. 7h du matin.